La question inquiète au plus haut sommet de l'État. Une élection et des candidats, cibles de pirates informatiques, des cyberattaques pour discréditer un prétendant à l'Élysée ou paralyser son site de campagne. La menace est jugée sérieuse. Dans un communiqué, François Hollande exige que lui soient présentées les mesures de protection et de vigilance prises à l'occasion de la campagne électorale. Dans cette élection présidentielle, l'expression démocratique doit pouvoir se faire sans qu'elle soit perturbée par des gens qui veulent justement ou donner des mauvaises informations ou perturber cette élection. La France redoute le scénario des élections américaines où le FBI affirme avoir la preuve d'une intervention russe pour influencer la campagne en faveur de Donald Trump. En France, certains candidats sont déjà victimes de ces piratages. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Sur son site, plus de 2000 attaques le mois dernier. Une campagne, ça échange énormément d'informations. Si on nous empêche de communiquer pendant toute une journée, c'est toute une journée de campagne qui est perdue. Qui sont les pirates? Pour qui travaillent-ils? Aucune certitude. Mais dans l'entourage d'Emmanuel Macron, un pays est pointé du doigt. La Russie, là encore. Parce que des médias russes, proches du gouvernement, relaient par exemple cette interview. Un député français de droite y affirme: il y a un tout-puissant lobby gay derrière Macron, cela veut tout dire. Ces insinuations, les autorités russes démentent catégoriquement en être les auteurs. Ces rumeurs, ces accusations prennent déjà le caractère un petit peu caricatural et absurde. Il n'y a aucune raison d'attaquer Emmanuel Macron. Nous sommes ouverts à toutes les forces politiques françaises. Des cyberattaques en pleine élection présidentielle, la France en a déjà connu. En 2012, l'Élysée avait été visée. Juste avant le deuxième tour.